Chapitre 3e. Pourquoi les fleurs sauvent-elles à même le bois noir et nu? Mars trouva le chat indifférent à tout. Aussi inerte qu'un cadavre de poil, il laissait halter ses flancs déformés contre le pourpre du velours. Il dormait si profondément qu'il semblait étendu sur tous les toits du monde, même Bagdad, là, qui s'allongeait entre déserts et montagnes pourpres. Au 10e jour de guerre, le chat devint irascible, fuyant notre présence et surtout celle de Paul qui le paniquait. Mettant la main contre son ventre, je cherchais autre chose, peut-être les chatons. Son ventre gênait désormais le chat pour dormir en boucle. Sur le dos, il chutait dans le sommeil de toutes ses taches noires. Le 15e jour de guerre, le chat parut émerger de son long sommeil. Il quitta son panier et se mit à me chercher. Sans cesse, derrière mes talons, il se frottait à mes jambes, miaulait, plaintif, et me donnait des coups de museau, froids, rapides, sur les mollets. Après un reportage sur l'aide humanitaire en Irak, on alla se coucher. Paul dormait depuis longtemps. Sa peau se déposait en dentelle pâle sur ses paupières striées de veines tendres. Coûte que coûte, le chat voulut dormir avec nous. Non, il ne tenait pas en place, se couchant, se relevant, cardant de ses griffes le drap, parcourant le lit en diagonale folle. Son poids mobile creusait une dépression soyeuse de plumes. Comme je posais la main sur son ventre, il mordit, sauta à terre. J'avais l'habitude d'être griffé ou mordu par cette bête. En vain tentais-je de fermer les yeux sur une phrase entendue à la radio. Des femmes avaient déclenché leur accouchement précocement avant l'ultimatum. Durant la nuit, le chat piétina nerveusement la couette puis se faufila par-dessous tout en me donnant des coups avides, pressés contre la peau. Ses moustaches froides et raides frôlèrent mon dos nu. J'entrais, sortais du sommeil comme par des portes ouvertes, fermées, entendant, croyant entendre Paul pleurer à côté. La pénombre sentait la couche chaude, le sang, le vagin et toutes les humeurs aqueuses du monde. Dans le noir, à peine si je voyais la tache claire que dessinait ma main. Sur le golfe, il devait encore faire nuit. La mer, le ciel devait se fondre uni et noir, à peine frangé du blanc des vagues. Noir immense, noir engloutissant tous les espoirs. Encore fis-je de drôles de rêves liquides. Je rôdais autour de Paul, de ce que j'avais vécu quand il était venu au monde. Sous le projecteur bombé de la salle d'opération, ses yeux clignotaient comme les flammes de petites bougies bleues. La lumière avait paru lui faire mal, mais il réussit à ouvrir faiblement les paupières. Ses yeux chancelants cherchèrent les miens, un clic, des clics, son regard croise le mien et me percute. Je tressaille sous le choc. L'espace d'une seconde, deux continents brumeux se touchèrent sous l'eau. Puis ce fut fini. Le liquide avait brouillé toute l'histoire. Paul passera toute sa vie à découvrir le nouveau pays, sa vie entière à oublier l'autre continent, à le rechercher peut-être. Moi j'avais vu et senti le globe laiteux, quelque part, derrière la masse noire d'eau. Un cri, une sorte de couinement m'arracha au rêve. Je pensais qu'il y avait des souris dans le lit. Le chat roulait d'un côté puis de l'autre. Son ventre se durcissait, se détendait en flux douloureux. Il appuyait ses pattes brûlantes contre mon ventre. Il accouchait. Là. Contre moi. Nu. Submergé par la douleur, son regard flottait, voguait par-delà, le faisant presque loucher. Haletant, pupille dilatée, le nez presque rouge à force d'être rose, le chat leva la patte arrière en l'air, et voilà qu'il léchait vigoureusement une petite chose molle, ridiculement flasque. Surtout ce qu'il ronronnait. Un son de gorge puissant, un son de rage, de victoire. Il frottait ses joues sur moi, tellement joyeux qu'il me mordillait les doigts, me grignotait l'intérieur du poignet. Comme il m'amenait ses mulots égorgés, il m'avait offert son chaton sous la couette. C'était une petite chose au nez en triangle rouge, aux yeux clos, le poil encore plaqué de liquide vivant. La nuit s'accoudait, massive, trapue contre la vitre. Il devait être 2 ou 3 heures du matin. Je ne savais plus quoi faire. J'allumais, m'habillais à demi. Le mari eut un gronf indigné, révolté de ce qu'elle puisse accoucher là, dans son lit. Un coup de rein le jeta contre le mur, il se retourna et ronfla. J'allai chercher dans la cuisine le panier en velours que je couvris d'une serviette éponge. J'y plaçai le chat, Patreddy et son chaton mou. Le chat haletait mais ronronnait éperdument. Rose et noir, ses coussinets s'ouvraient, se refermaient, comme des fleurs venimeuses. Dans la nuit, je sentais aussi les pétales blancs qui forçaient pour éclater leur coque dure. La patte blanche du chat était humide de sueur. Je ne savais plus quoi faire. Comme une idiote, je lui apportais de l'eau, puis de l'eau teintée de lait, puis du lait, des croquettes. Avec ses taches blanches tendues en appel au secours, ses pattes mouillées, je voyais bien qu'il souffrait. Il souffrait mais ronronnait frénétiquement. Plus il avait mal, plus il ronronnait, follement. Les pupilles dilatées nageaient, grandissaient dans le vert des yeux. Et il m'appelait. Il ne voulait pas que je le laisse. De toutes ses forces de chat, il plongeait ses pupilles noires, grosses comme des cailloux, jusqu'au fond des miennes. Le mari fit encore « Oh !» et j'éteignis la lumière. Dans le noir avec le chat, ma main tenant sa patte blanche. Au bout de la queue, en dehors du carré devenu noir de la serviette, je crus voir une autre forme sombre, indéfinie. La vie a souvent cette forme vague mais silencieuse. Un second chaton qui gisait là. Le chat ne l'avait pas repéré car il ne criait pas encore. À l'aveuglette, je le pris entre mes mains. C'était mou. Tout était mou cette nuit-là. Mou et visqueux, sans os, ni peau, ni queue, ni tête. Le chat lécha le chaton avec emportement. Sur ma main restait une trace chaude, mouillée. Dans la chambre macérait une chaleur de serre. J'ouvris la fenêtre. Grimpa alors le parfum de terre nourrie de nuit, saturé d'eau, mélange de violette et de crème fraîche. Quelque chose de fort, de lent, se préparait dans cette chambre étouffante. Je soulevai doucement le panier contenant le chat, sa robe trempée de sueur. Puis je transportai ce chat silencieux, aux yeux et bassins dilatés, dans la cuisine. Ensuite, ce fut le tour des deux chatons humides. Dans le noir du couloir, ils crièrent plus fort, séparés de leur mère. Les lames du parquet gémirent. La maison entière, de toutes ses poutres, ses portes, ses articulations, accouchait cette nuit-là. Le chat qui entendait pleurer ses chatons se mit à feuler dans l'obscurité. Je pris le chef que cela ne réveilla ni Paul ni le mari, lesquels eussent l'un et l'autre superposé leurs cris au miaulement. Dans la cuisine, je mis de l'eau à bouillir pour un café. 4-5 heures du matin, peut-être. Aux taches rouges sur la nuit, l'aurore approchait. Le jour se leva. Les rayons verts, disposés en roue dans les yeux du chat, rencontrèrent ceux jaunes du matin. Le chat ferma les yeux, s'endormit. Alors je remis la télé en route. Toujours ces images en boucle, en cercle, qui se mordent la queue. La guerre continue. Dans l'ombre rougie, des hommes marchent vers Bagdad. Ils marchent vers l'amour d'autres hommes dans le parfum des amandiers en fleurs. « À quoi t'attendais-tu, Anne ? Hein ?» Le chat mit au monde un troisième chaton, tout blanc. À l'écran apparut une fillette de 7-8 ans à peine, amputée d'une jambe. Les cheveux sombres cachaient presque son visage clair. La souffrance ou la peur dilataient ses yeux noirs contre sa peau blanche. Elle criait parce qu'elle avait été réveillée en sursaut par la caméra ou parce qu'elle souffrait de sa jambe amputée. Un commentaire couvrait son cri, parlant de l'aide humanitaire. La petite fille voltigeait de chaîne en chaîne, avec un commentaire toujours différent, mais qui, jamais, ne parlait d'elle. Jamais. J'éteignis la télé. J'ai eu l'impression de faire un geste complètement inutile, mettre un terme aux événements de façon artificielle. J'avais éteint la lumière et le chat avait continué de mettre bas. J'éteignais la télé, la guerre persistait. Cela confirma ce que je pensais. Les mots ne servent à rien, hormis à s'effleurer, s'égratigner soi-même. Les mots ne servent qu'à s'ouvrir, se fermer, sur rien, sur du vide. Dans le noir, longtemps, je repensais à la peau blanche de la petite fille, à ses pupilles élargies de douleur. Le jour perçait. Dehors, les arbres formaient des boules blanches contre le vert de la plaine. Pourquoi les fleurs s'ouvrent-elles à même le bois noir et nu ? Le lendemain, un mercredi, je gardais Paul. Contre le ventre tacheté, je trouvais au réveil 5 chatons. 5. Tous maculés de taches noires comme autant d'erreurs sur leurs poils rosés. Exténué, poil collé, le chat les regardait un peu hébété. Cela l'étourdissait, moi aussi. Dans le panier, les chatons formaient une boule de pâte de griffes aussi grosse que leur mère. Ils n'arrivaient pas tous à téter, seuls deux ou trois attrapaient les brouses. Où qu'il posât ses flancs, le chat écrasait un chaton, puis s'excusait, oreille basse, en ronronnant sourdement. Très gêné, il levait une patte, puis l'autre, toujours sur trois pattes, toujours en équilibre, jamais assis. Souvent, un chaton perdait l'équilibre et tourneboulait sur lui-même, roulant au bas du panier. À même le sol, il avançait avec un mouvement de reptation. Petit rat aveugle, la queue raidie, le chaton émet alors le couinement aigu qui avait le don de déclencher chez sa mère une agitation de pupilles dilatées, une montée de regard inquiet dans ma direction. Pourquoi le chat ne faisait-il pas comme la plupart des autres chats, attraper sa progéniture par la peau du cou? Non, il ne savait pas quoi faire ni comment faire. Comme pour moi, les explosions des bombes, les sirènes stridentes. C'était le cri de son chaton qui le paralysait. Désespéré, le chat se mettait alors à miauler de façon rauque en me regardant, m'implorant d'intervenir. Je devais alors ramasser la petite chose et pleurer. Je la tenais suspendue en l'air, juste pour voir la barre noire des paupières closes sur sa nuit de chaton. Puis, je le replaçais dans le panier. Exalté, le chat le reniflait avidement, puis le léchait tout aussi avidement. Enfin, il se nettoyait lui-même, confondant son pelage avec celui du chaton. Cette manœuvre se renouvela toute la matinée. Une bonne dizaine de fois, je dus lui rapporter un chaton perdu. De temps à autre, le chat essayait aussi de quitter son panier, mais les cris des autres chatons le retenaient. Il y retournait, oreilles basses et penauds. Impossible de quitter la cuisine. Dès que je partais, je retrouvais deux, trois créatures roses, aveugles, sur le dos, hurlant à mort. Durant tout le repas de Paul, le chat ne cessa de gémir. Les sifflements des bombes, les cris des chatons emplissaient la cuisine, ses couteaux, ses objets pointus. Paul tournait la tête cherchant l'origine de ces sons aigus, puis me regardait aussi, me demandant une réponse. Le chat, lui, m'implorait de lui trouver une solution à l'amiable, un compromis. Je comprenais cet air désemparé face au chaton avide qui s'accrochait à son ventre. Je me souvenais de ce fil invisible me reliant à Paul nouveau-né, de toutes ces nuits qui bleuissaient ses larmes et les miennes. L'après-midi fut pire encore. Dès que je quittais la pièce, le chat miaulait d'un son tordu signifiant « Délivre-moi de ces pattes voraces, de toutes ces bouches qui s'accrochent à moi ». D'habitude, lorsque je passais l'aspirateur ou que je faisais mine seulement de m'en servir, le chat bondissait, hérissait de griffes, fuyait la pièce en quelques bonds. Ce mercredi-là, face au monstre ménager, il fut héroïque. Aplati sur son panier, recroquevillé sur les chatons, il cracha, courba la nuque, écrasant davantage les chatons, prêt à périr pour ses petits qui le dévoraient tout vivant. À 3 heures, je dus sortir, mon portable ne recevait pas bien à l'intérieur. Le chat me suivit dans le jardin, abandonnant panier et chatons. Le chat ne cessait de miauler en me fixant. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Partagé, divisé en deux moitiés de mère chat, elle ne savait plus quoi faire. Abandonner sa portée ou demeurer seul avec les 5 tyrans. Je parlais à quelques mètres de la porte d'entrée ouverte. Le chat frôlait mes chevilles en gémissant. Ses grosses taches noires, ses yeux verts allaient, venaient depuis la porte jusqu'à moi et de nouveau vers la porte. À chaque trajet en boucle, elle miaulait de plus en plus fort. « Ne me laisse pas seul avec eux !» disait son va-et-vient. Jamais je n'ai vu autant d'hésitation sur une figure animale, ni autant d'humains sur un visage triangulaire de chat. Je dus m'excuser auprès de mon interlocuteur et raccrocher. Je rentrais. Me précédant, le chat sautait par bonds heureux. À cet endroit du texte, je me rends compte que j'emploie l'article défini « L » pour désigner le chat. Je l'ai corrigé puis rétabli. Le « il » ne sonne pas. Le chat était devenu féminin. Non, par une logique de reproduction, mais en raison de sa division, de son hésitation. Dissociée, divisée, elle relevait de la mère, partagée entre soi et d'autres êtres. Le mari revint en fin d'après-midi. Il portait toujours ses chemises au coton épais qui résistait à tous les espaces-temps possibles. Je l'avais déjà vu, épuisé après 1000 kilomètres de route, portant encore sa chemise de la veille, toujours tendue par le fer. Donc, mon dernier personnage était là, sur le perron, avec sa chemise lisse, son front plissé par l'absence de commande. Yeux verts et irrités, il posa sa mallette en cuir près de la boule griffue des chatons. Paul geignait de faim. Les seins cras se tordaient en couinant, sorte de vagissement montant très haut, jusqu'aux poutres, crevant la charpente. J'avais très, très vite calculé qu'il y avait 20 pattes et 5 queues de chaton. Autant de cris. Je savais que ça n'allait pas durer longtemps.